Sa plume, il pense à celle qu'il a aimée, et au rappel de quelques notes, son cerveau disparaît dans la brume. Toi, que tu sembles belle, et toi, tout charme et cruel, la bière le pousse bien plus loin. Il se prend à rêver dans les yeux de l'ange, commence à écrire lentement en finissant son pichet de vin. Semble belle et toi, ton charme est cruel. Comme s'il s'accrochait envers et contre tout. Toi, que tu sembles belle, et toi, ton charme est cruel. En cette fin du 20e siècle, les gens lui ont construit un engrenage, et il se prend parfois dedans, à chaque fois lui arrache un bout de corps. Toi, que tu sembles belle, et toi, ton charme est cruel. Dans sa mémoire, plus rien ne vient. il regrette que ce fut hier. Et il regrette que ce fut hier. Et il regrette